J'y vais, elle, il va être. C'est qu'il nous faut la recette, c'est Dieu qui donne la conduite, vers la savie du recel, vers la savie du recel, tiers blindé comme en Corse, avant son père sans mentor, 3-5-7 sous le manteau, on vient quand les petits s'endorment, donné dans la sacoche, conditionné au détail, gros de micro dans l'appart, ça mène la zipette en smart, le shit et la marche, hein, dans les mœurs comme l'Olympique, beaucoup trop implique, beaucoup trop indique, on pégue vers l'horloge, tu sais qu'on aime trop le bordel, sors un briquet, j'allume le chiffon qui sort du cocktail, deux tapins dans la 500, garé devant l'hôtel, j'ai besoin d'oxygène, ça finit en bain de sang, j'y casse sur un coup de tête, j'suis déjà trop morflé, et fais-toi du souci si c'est moi qui tiens la bouteille, mes douleurs dans la Volvo, souvent mauvais karma, mais ça roule pas en Volvo, ça vend que la pasta, et sa mère le 36, sa mère les péchés, une fois un océan de Javel pour me laver de mes péchés, j'ai 365 des péchés, j'ai 365 des péchés. Et si on t'a lâché, on va jamais te repêcher. SRPJ ça l'affaire, et reviendra la moisson. JVL, IVS, mais reviendra la poisson. PCZ et des guitares, ça fait peur à la nation. Bébé, je t'aimerai encore quand on ira la passion. Parano, je peux pas donner trop d'amour. Mais par amour, je crois je vais devenir parano. J'ai pardonné, mais j'ai trop donné par amour. Et depuis neige, l'oseille en nerveux. Parano, je peux pas donner trop d'amour. Mais par amour, je crois je vais devenir parano. J'ai pardonné, mais j'ai trop donné par amour. Et depuis neige, l'oseille en cherche à trouver tes faiblesses, aussi les points de pression. Longtemps qu'on est plus grossier, et si on se met sur toi c'est dur. Cherche à trouver ton adresse, cherche à trouver 2 millions. Cherche la faille dans le dossier, on cherche les vices de procédure. Toujours les idées tordues, quand on rentre dans la queue banc. Je vais faire comme Franck Lucas, dans 2 ans je suis au rocas blanc. Et dis alléluia, si on t'a pas vétrou. Tendu quand y'a des anges, quand y'a des gros sous et tout. Y'a la moula mon garçon, sûr tu vas saigner du nez. Fauteuil à l'entrée du Jackson, que la écaille de poisson. Ici on n'est pas trop lover, ici on n'est pas trop rêve. Une cagoule, un revolver, ça chute comme Larry Hoover. Parano, j'peux pas donner trop d'amour. Mais par amour, j'crois j'vais devenir.